Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Qui étaient vraiment les Gaulois? Comment vivaient-ils? En quoi croyaient-ils? Voilà quelques questions que Franck Ferrand va poser cet après-midi à un historien de l'Antiquité. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'archéologue Jean-Louis Bruno est directeur de recherche au CNRS. Il vient de publier sous forme de bande dessinée une enquête gauloise. Autant vous dire qu'il est bien placé pour répondre à ce genre de questions. Et vous allez, vous aussi Franck, nous parler des Gaulois. Oui, je vous raconte dans un instant le jour où les Gaulois, c'était 4 siècles avant Jésus-Christ, ont mis à sac la ville de Rome. N'oublions pas naturellement la chronique de Lorena Martin et le retour aux origines qui aujourd'hui reviendra sur l'invention du savon. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Au 4e siècle avant notre ère, juste après l'apogée grecque, Rome est une cité prospère et déjà influente. Les Romains installés aux confins de l'Étrurie et du Latium sont en train de devenir une véritable puissance. Mais soudain, une nouvelle fait trembler la cité. Des Gaulois, à la recherche de richesses, de butins, se dirigeraient droit vers la cité de Romulus et Rémus. Dans Rome, cette rumeur a de quoi glacer les sangs. Les barbares seraient déjà presque aux portes de la ville avec des intentions destructrices. À cette époque, les Gaulois sont donc déjà installés en Italie du Nord. Ça fait même plusieurs décennies qu'ils y sont. En cette fin de 4e siècle, on les voit menés par leur chef Brennus traverser le Po, poursuivre leur migration vers le sud de l'Italie, suivant la vallée du Tibre. À Chiusi, ils massacrent les Étrusques qu'ils trouvent sur leur route. La voie est désormais ouverte vers Rome. Et si l'on en croit l'historien romain Tite Live, on verrait des hommes et des chevaux déferler sur les terres latines en semant la terreur par leurs chants, par leurs cris inconnus. C'est à Rome que nous allons. Or, les Romains ne sont absolument pas préparés à se défendre contre une invasion. Depuis quelques années, la situation à Rome est chaotique. Le grand général Camillus est tombé en disgrâce. Il a dû s'exiler. Dans la cité, les hommes politiques romains se disputent le pouvoir et ne prennent pas vraiment au sérieux le danger de la progression gauloise. Or, au mois de juillet 390 avant Jésus-Christ, je vous ai dit tout à l'heure à la fin du 4e siècle, on est bien au début de ce 4e siècle, l'armée de Brennus n'est plus qu'à 16 kilomètres de Rome, au niveau de l'Allia, qui est un affluent du Tibre. L'invasion semble imminente pour les Romains, il est grand temps de réagir. Dans une confusion générale, puisque, encore une fois, leur chef, Camillus, n'est pas là. Les Romains décident d'aller arrêter les Gaulois le plus haut possible sur l'Allia. Les hommes valides de la ville sont envoyés au combat, mais la plupart ne sont pas véritablement formés au maniement des armes. Ils ne sont pas de taille à s'opposer à ces hordes qui déferlent. Il n'y a ni plan de bataille, ni commandement cohérent, ni préparation militaire et, disons-le, assez vite, l'affrontement va tourner à la catastrophe pour les Romains. On voit les soldats de cette armée désordonnés pour ce qui est des cavaliers tombés de cheval, certains se noient, certains vont même fuir sans avoir combattu. Au lieu de retourner vers Rome, Rome qu'ils savent menacer, ils vont se réfugier, cela, à Véies, une cité étrusque qui est là à quelques encablures. La déroute de son armée sur l'Allia laisse Rome sans défense, nous dit Umberto Roberto dans Rome face aux barbares. Et pourtant, si l'on en croit les sources grecques, les Gaulois ne profitent pas aussitôt de leur avantage. Le jour qui suit la bataille, on les voit couper les têtes des cadavres qu'ils arborent avec fierté, comme de macabres trophées. La fuite de l'ennemi suscite chez eux un tel étonnement que, craignant un piège, ils demeurent dans leur campement pendant 2 jours. Et c'est pendant cette courte trêve que les Romains essaient de s'organiser pour défendre la ville. On entrepose armes et vivres dans le Capitole, on renforce les fortifications, on met à l'abri tout ce qu'il y a de plus sacré, de plus précieux. Certains objets sont transportés vers la ville de Véies eux aussi. De nombreux Romains prennent la fuite pour échapper à la catastrophe et ceux qui restent vont donc se retrancher sur le Capitole, qui est la partie la plus facile à défendre de la ville éternelle, devrais-je dire. Hormis les personnes retranchées dans le Capitole, il ne reste plus dans la cité romaine que certains trop âgés pour fuir, notamment des sénateurs. L'historien Tite Live raconte que ces vieux sénateurs, devant la menace imminente, ont décidé de s'offrir en sacrifice pour la patrie. On les voit revêtir leurs vêtements les plus sacrés, leurs toges brodées d'or et de pourpre, réciter des prières, prendre place tranquillement, résignés devant leur demeure et attendre ainsi l'ennemi. Le chef gaulois Brennus envoie quelques-uns de ses hommes en éclaireur. Ces derniers l'informent que la ville est ouverte. Les Romains n'ont même pas fermé les portes de la ville. Il n'y a aucune trace de défenseurs. Et, disons-le, c'est avec une facilité qui va jusqu'à les déconcerter que les Gaulois vont entrer dans Rome par la porte colline. Ils ne rencontrent aucune résistance. Le silence qui règne dans la ville a l'air irréel. Les seuls habitants qu'ils découvrent, et encore une fois, c'est Tite Live qui nous dit ça, hein, bien entendu, nous suivons là une source. Les seuls habitants sont donc ces vieux sénateurs immobiles dans leur toge scintillante. Stupéfaits devant ces vieillards, les Gaulois se seraient arrêtés un instant dans leur élan. L'un des hommes de Brennus se serait approché d'un des sénateurs et, comme pour vérifier s'il ne s'agissait pas d'une statue ou d'une momie, il lui aurait tiré sur la barbe. Le vieil homme, à ce moment-là, réagit en le frappant d'un coup de bâton sur le crâne. Évidemment, le Gaulois dégaine et découpe le sénateur. C'est le signal du début du massacre. Les envahisseurs vont assassiner d'abord tous ceux qui restent là en bas et puis on les voit déferler partout dans la ville, piller les maisons, tuer tous ceux qui se mettent sur leur chemin, des hommes, des femmes, des enfants. On incendie les bâtiments. Nous avons suffisamment ici même eu l'occasion de parler des guerres de l'Antiquité, des prises de villes, des sièges, etc. pour savoir jusqu'à quel degré de violence tout cela pouvait aller à l'époque. Dans une odeur de feu, de sang, Rome est en train de s'effondrer, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause, et mourir de plaisir. Ça c'était dans Horace, n'est-ce pas ? Il ne reste dans la ville que les combattants enfermés sur le Capitole, la rage dans les yeux, les Gaulois désormais se dirige vers la colline, vers cette colline centrale. Il se prépare maintenant à assiéger la citadelle. De l'ouverture de l'opéra de Vincenzo Bellini sur Europe 1, La Norma. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez le sac de Rome par les Gaulois, c'est en 390 avant notre ère. Mais bon, vous allez dire que je vous pose toujours la même question quand on remonte aussi loin dans l'histoire. Quelles sont les sources dont on dispose pour revenir sur de tels événements ? Mais vous avez raison de la soulever et de la soulever à nouveau, cette question importante. Il est évident qu'on dispose de très peu de sources et qu'on ne peut avoir d'un événement comme celui-là qu'une vision somme toute imprécise. Les sources dont nous disposons, j'évoquais les récits de Tite Live et de Plutarque. Mmh. Évidemment, tout ça a été écrit 4 siècles après les faits. Et les auteurs se livre à des interprétations, dont certaines sont d'ailleurs contradictoires, et entre les différentes versions, comment voulez-vous qu'on distingue à coup sûr le vrai du faux, la réalité de la légende. Par ailleurs, les traces matérielles, les traces archéologiques qu'auraient pu laisser les Gaulois sont par définition très rares dans les environs du Capitole et même dans toute cette région. Donc, on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes dans l'avenir. Vous savez, l'histoire évolue sans cesse, mais je doute qu'on sache un jour très clairement décrire et avec la plus grande certitude la mise à sac de Rome en 390. Pour l'instant, donc, difficile de discerner les contours exacte de toute cette affaire. Et ce qui est certain, c'est que après un siège du Capitole qui a été long, qui a été éprouvant, les Gaulois s'en prennent aux Romains réfugiés sur la colline. Hein. C'est un siège qui va durer quand même plusieurs mois. Les Gaulois sont repoussés par les Romains. Ils ne parviennent pas à prendre le Capitole d'assaut. Et Tite-Live raconte comment, pour obliger les assiégés à se rendre, les Gaulois pillent les monuments les plus proches du Capitole. Et les Romains, là, impuissants, assistent à ce spectacle pour eux totalement insupportable. Depuis la citadelle, nous raconte Tite-Live, les Romains voyaient la ville pleine d'ennemis, les courses désordonnées à travers les rues, de nouveaux feux apparaître ci ou là, ça et là, devrais-je dire. Ils en perdaient la raison, incapables de soutenir même la vue et le bruit de la scène, les cris des ennemis couverts par les pleurs des femmes et des enfants, le sifflement des flammes, le fracas des maisons qui s'écroulaient, attiraient sans répit leur attention et, le cœur serré, ils contemplaient la scène sans pouvoir s'en détacher, sans pouvoir en détacher leurs pensées, leurs regards. Coupés de leur patrie, ils voyaient tout ce qu'ils aiment aux mains de l'ennemi, mais les Romains tiennent bon, ils résistent. Polybe nous dit que le siège a duré pas moins de 7 mois, 7 mois pendant lesquels la famine règne dans les deux camps. Aucun des camps ne parvient donc, vous l'aurez compris, à prendre définitivement l'avantage. Gaulois comme Romains sont exténués, sont affamés. Du côté gaulois, une épidémie s'est répandue dans le camp et a commencé de faire des ravages. Les hommes de Brennus n'ont plus que la peau et les os. Brennu veut en finir, il tente une attaque surprise. C'est un épisode resté célèbre sous le nom de... Vous savez qu'on parle toujours des oies du Capitole, bien qu'on ne soit pas certain de l'authenticité de cette histoire. Bah, je vous la raconte quand même, évidemment. Dans le silence de la nuit, Brennus ordonne à ses soldats les plus aguerris d'escalader les pentes de la forteresse. Personne, pas même les chiens, ne les entend tant ils sont agiles, expérimentés. Ils sont sur le point de pénétrer dans la citadelle... Quand les oies que l'on nourrit dans l'enceinte sacrée du temple de Junon, les oies prises d'effroi se mettent à jaboter en chœur. L'alarme est donnée, les Romains prennent les armes, engagent une défense acharnée. L'un d'eux, Marcus Manlius, debout sur le rempart, aurait tranché d'une main le bras d'un Gaulois sur le point de le frapper tout en jetant son bouclier sur le visage d'un autre assaillant, le précipitant dans l'abîme. La violence de ce massacre dissuade les Gaulois de poursuivre le siège. Alors, l'histoire a-t-elle été inventée après coup pour redorer l'image d'une armée romaine dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle avait subi dans cette affaire pas mal d'humiliations ? Peut-être. En réalité, nous dit Roberto, donc cet historien romain, hein, Umberto Roberto, il est difficile de savoir pourquoi les Gaulois ont finalement décidé de se replier et comment l'assaut a véritablement été repoussé. Selon Tite-Live et Plutarque, la raison de la victoire romaine finale tient à un homme, un sauveur, Camillus, le chef romain qui se trouvait en exil, je vous l'avais dit, hein, accusé de détournement d'argent. Il avait fui la ville pour échapper à une sentence qui s'annonçait très dure. Donc Camillus a été rappelé d'urgence. La situation était, il faut le dire, tout à fait exceptionnelle. On a accepté son retour et lorsqu'il est rentré, Camillus a tout mis en œuvre pour faire plier les Gaulois. Il serait parvenu à obtenir une trêve et à engager des pourparlers. Brennus consent donc à lever son siège en échange du paiement de 1000 livres d'or. La suite de l'histoire tient-elle de la légende ? On dit qu'on aurait alors apporté une balance pour procéder à la pesée de l'or en présence des magistrats romains. Or, les Gaulois auraient truqué les poids avant la pesée. Les Romains se seraient rendus compte du subterfuge. Il faut les imaginer s'indignant, se scandalisant de la fourberie des Gaulois. Et Camillus, furieux, aurait ordonné d'interrompre la pesée d'or. « Rome versera bien le poids de la rançon », affirme-t-il hors de lui, « mais en fer et non en or ». Brennus, dans un accès de rage, jette alors son épée sur le plateau de la balance. Vous connaissez le cri de Brennus, évidemment. « Vae victis !»« Malheur au vaincu !» Eh oui. Là encore, le rôle tenu par Camillus doit être nuancé. La tradition transmise par Tite-Live Yves exalte sans retenue aucune le rôle tenu par Camille dans ces circonstances, nous dit Roberto. Il y a là quelque exagération. Le déroulement des événements rapportés par Tite-Live n'est pas dépourvu de motifs légendaires absents des autres sources. Les historiens grecs, par exemple, ne disent pas un mot de l'intervention héroïque de Camille ni de la victoire qui a suivi. Dans leur version des événements, l'issue du sac de Rome est bien moins glorieuse. J'ai bien peur que les historiens grecs aient raison dans cette affaire. Certaines sources affirment même que le Capitole aurait bel et bien été pris par les Gaulois et que les défenseurs romains auraient été vendus comme esclaves, version autrement sombre, vous l'avouerez. En général, on s'accorde sur l'idée que les Romains ont fini par capituler, par verser aux Gaulois cette énorme rançon. Les Gaulois, à partir de là, se seraient retirés. Que voulez-vous, que vouliez-vous qu'ils fissent dans cette ville de Rome ? Une chose est sûre, toutefois, ce sac a constitué pour les Romains un épisode qui est un véritable traumatisme, une humiliation qu'ils n'oublieront jamais et qui va ensuite servir d'exemple, ou plutôt de contre-exemple pour l'avenir. Au lendemain de l'invasion, les Romains ont songé à quitter définitivement Rome. Finalement, c'est le contraire qu'ils feront. Non seulement ils s'installent définitivement, mais cette Rome, ils vont la mettre longtemps, pour très longtemps, hors d'atteinte. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire des Gaulois et vous raconte le jour où Rome a failli tomber aux mains des Gaulois. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité jusqu'à 15h. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Alors aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire des Gaulois et vous nous racontez cet épisode, 4 siècles avant notre ère, où les Gaulois ont failli prendre Rome. Les Romains sont vaincus, ils auraient dû quitter la ville et ils ont fait tout le contraire. Si l'on en croit même certains textes, les Gaulois ont bel et bien pris Rome, et plutôt 2 fois qu'une. Et évidemment, après leur départ, la grande question qui se pose dans cette ville en cendres, c'est de savoir s'il faut rester là ou aller s'installer ailleurs. Et notamment, ce sont les plébéiens qui débattent de la question, c'est-à-dire les gens les plus modestes. Beaucoup de riches romains s'étaient, vous l'aurez compris, déjà installés, déjà réfugiés à Véies depuis quelque temps. Donc, faut-il partir ? Certains acquiescent, beaucoup se rangent même à cet avis. Et de nouveau, nous dit Tite-Live, c'est Camillus, c'est Camille qui intervient. Lui est résigné, il est sûr de lui, et voilà ce qu'il aurait annoncé, ce qu'il aurait dit dans un beau et puissant discours. « Ce n'est pas sans motif que les dieux et les hommes ont choisi cet emplacement pour y fonder Rome. Des collines très saines, un fleuve commode par où descendent les produits de l'intérieur du pays et accessible au trafic maritime, la mer assez proche pour notre commodité sans que sa proximité excessive nous expose aux attaques des flottes étrangères. Enfin, au centre de l'Italie, une situation unique, bien faite pour l'accroissement de la ville. » Et il conclut, Camillus, restons ici. Et finalement, Rome restera bien dans Rome. On n'a plus qu'à entamer la reconstruction. De fait, en dépit des ruines et de l'humiliation subie, nous dit notre historien italien, Rome ne tarde pas à retrouver son rang parmi les centres les plus florissants de l'Italie centrale. Les Romains reprennent rapidement leur guerre victorieuse contre leurs voisins. Cependant, toutes les blessures ne sont pas cicatrisées. La restauration des monuments ou le prompt rétablissement de la puissance économique et politique ne sont pas parvenus à effacer des esprits pour des siècles le souvenir d'une véritable tragédie. Metus Gallicus, la grande peur provoquée par les hordes de Gaulois toujours prêtes à fondre sur Rome et ses habitants, s'installe au plus profond de l'inconscient collectif, pouvant se manifester de nouveau à chaque menace. Bonjour Jean-Louis Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Ce n'est pas du tout un hasard si j'ai choisi l'épisode dramatique de cette prise, de cette mise à sac de Rome par les Gaulois pour introduire cette émission consacrée non pas aux Romains mais bel et bien aux Gaulois. C'était une façon de dire que dès le 4e siècle avant notre ère, les Gaulois étaient considérés comme une véritable puissance, une véritable menace et on peut l'imaginer dès lors une véritable civilisation. Tout à fait. Et donc, dans l'histoire que vous avez rencontrée, bon, que vous avez raconté. Il y a tout un arrière-plan qui sort un petit peu de la légende racontée par Tite-Live et que vous avez très très bien résumé et illustré. C'est une concomitance de ce qui se passe dans le nord à Rome et de ce qui se passe dans le sud avec Denis, le tyran de Syracuse. Et on pense maintenant qu'en fait, il y avait alliance entre les Gaulois et Denis Syracuse. Ils étaient pris en tenaille, en exactement. Fait, et donc Romains. Tout ça n'est pas un hasard du tout, vous avez raison. Les Gaulois sont dirigés par un chef, Brennus. Est-ce que ce sont les auteurs romains qui décident de ce chef ou est-ce que c'était véritablement bien lui? Brennus, on pense que c'est un nom, c'est le nom du chef, c'est le mot qui désigne le chef, puisqu'on retrouve également à Delphes. Donc c'est un petit peu curieux, un siècle plus tard, on retrouve aussi un Brennus. Donc depuis Michelet avait déjà pensé que Brennus était un Brenne, il l'appelait le Brenne. Un nom générique, en fait. Un nom générique, ça désignait le chef, effectivement. Alors ce chef, il est sans doute entouré de tout un conseil, on peut l'imaginer. Absolument. On ne sait pas, il est très difficile de faire le départ entre la réalité et la légende, pour des faits qui sont décrits par les grands historiens romains, quelques 3, 4, parfois 5 siècles après les faits, bien entendu. Il y a donc une part de tradition dans ce qui est raconté, sans doute. Il y a une part de légende, ça effectivement, Camille, on pense que Camille n'a pas existé, que c'est une pure figure de légende, mais la prise de Rome a bien existé, puisqu'elle était enregistrée par les Grecs, notamment par Aristote, par les philosophes, et Polybe, effectivement, en parle de façon tout à fait savante, comme un fait acquis, ça, il n'y a pas de problème. Quels sont les peuples qui déferlent à l'époque sur Rome? Est-ce qu'on peut les appeler de façon générique par le terme de Gaulois? Oui, ce sont des peuples qui ont des noms, et ce qui est assez curieux, c'est que ce sont des noms, pour une part, qui sont des noms de peuples qui existent aussi en Gaule, c'est-à-dire dans la France actuelle, ce qui m'incite aussi à rappeler une chose importante. On parle d'invasion, mais ce mot d'invasion, c'est une invention romaine pour un peu décrire des mouvements qu'ils ne comprennent pas, mais en réalité, ce sont bien des colonies. Les Gaulois étaient en train de coloniser, donc ils ont colonisé le nord de l'Italie. C'est donc pas un simple raid? Ah non, pas du tout. C'est une colonie, mais qui est en partie instrumentalisée par Denis de Syracuse, qui fait venir des mercenaires, et donc il oriente un petit peu ces mouvements de colonie. Et la preuve, c'est que ces peuples, notamment les Cénomans, les Insubres, qui existent aussi en Gaule, les Cénons, notamment, qui existent dans le Cénonais français, à Sens, sont des parties de peuples gaulois qui sont partis en colonie exactement comme les Grecs le faisaient. Alors, on peut donc dire que ces gens-là, 4 siècles avant Jésus-Christ, sont déjà très puissants. Ah oui, ils sont très puissants et très organisés. Très organisés. Et ce ne sont pas des peuples séparés, enfin des peuplades, comme on a un peu tendance à croire. Oui, voilà, c'est ça, ce sont pas des tribus, disons. Voilà. Non, ce sont déjà des cités, comme le mot qu'emploiera César plus tard, qui est en fait une reprise du terme grec, ce sont des polices. Donc ce sont des petites cités, comme cités grecques. Alors nous allons nous poser ensemble un certain nombre de questions et voir à quoi ils ressemblaient, ces Gaulois. Sont-ils si différents des Romains auxquels ils viennent de s'attaquer? Quelles sont leurs racines culturelles, linguistiques, religieuses, bien entendu? Comment vivent-ils? Bref, les Gaulois dont nous parlerons sont évidemment d'abord et avant tout les Gaulois du 1er, du 2e siècle avant notre ère, ceux qui précèdent juste la conquête romaine. Mais d'une façon plus générale, nous essaierons de voir quels sont leurs liens avec ce qu'on appelle d'une façon plus générale les civilisations celtiques. Grande question déjà, les Celtes et les Gaulois, hein, ça on peut dire oui, que c'est... Oui. Alors ça c'est une question effectivement très compliquée, ça nous demanderait plusieurs heures pour examiner le problème que ça pose. Il faut savoir que cette notion de Celtes est très tardive, enfin dans l'historiographie, c'est quelque chose qui n'apparaît qu'à la Renaissance, lorsque les savants, notamment Huguenot, qui sont partis en Allemagne, qui découvrent la linguistique, qui découvrent la langue allemande, qui découvrent l'histoire de ces langues, veulent absolument créer une notion commune pour les Gaulois et les Germains, puisqu'ils veulent déjà rassembler les deux peuples, et ils retrouvent dans les textes très anciens des Grecs cette notion de Celte. Mais avant, pendant 14 siècles, ça avait complètement disparu de l'univers des Français. Donc quand on parle de ces peuples, on parle soit de leur nom, vous parliez tout à l'heure des Cénons, etc., tous ces peuples, les Allobroges ou que sais-je, soit on parle d'une façon plus générique de Gaulois. Voilà. La notion de Celte est une notion plus culturelle, qui est né plus tard, nous dites-vous. Oui, alors les Celtes, il y a une notion qui est grecque, c'est les Grecs qui ont les premiers parlé des Celtes, à partir de la création de Marseille, c'est-à-dire que les Phocéens qui s'installent à Marseille désignent tous ces gens qui sont derrière eux comme des Celtes, et mon hypothèse, c'est que ces indigènes qui sont derrière, sur la côte méditerranéenne, sont des gens qui se désignent eux-mêmes comme Celtes. C'est une confédération de commerçants qui travaillent avec Marseille et les Grecs. Vous avez peut-être prononcé le mot qui va revenir le plus souvent dans cette émission, celui de commerçant. Voilà. Car vraiment, nous sommes en face de peuples, nous sommes en présence de peuples commerçants. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le générique du dessin animé Astérix avec d'ailleurs Anthony qui nous dit sur Facebook, en voyant arriver les Gaulois, les Romains criaient « Les gogos, les gogos, les Gaulois ». Oui, ça se pourrait. Merci Anthony, vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. C'est un sujet qui vous plaît aujourd'hui, puisque nous sommes au cœur de l'histoire des Gaulois. Avec votre invité, nous allons plus loin. Franck, vous recevez Jean-Louis Bruno, il est archéologue, directeur de recherche au CNRS, et il est l'auteur d'une BD intitulée « L'enquête gauloise avec Nicobi », parue à la Découverte, la revue dessinée. Oui, c'est une collection qui est dirigée par Sylvain Venner. On est donc dans le monde du dessin, du graphisme, là. Ouais. Et vous avez prêté, si je puis dire, vos connaissances à cette adaptation, parce que c'est une adaptation de l'histoire. Expliquez-nous comment est né ce projet. Bah c'est le projet de Sylvain Venner avec la revue dessinée et puis la Découverte. Et donc le projet, c'est de faire effectivement une nouvelle version de l'histoire de France, plus accessible pour tout le monde d'ailleurs, sous forme de bande dessinée, mais comme le fait régulièrement la revue dessinée, qui est une revue qui traite tous les sujets, notamment les sujets d'actualité, les sujets scientifiques, par le dessin. Et donc c'était un projet absolument extraordinaire qui m'a beaucoup plu et qui finalement donne des résultats extraordinaires, puisqu'on peut aborder des sujets très compliqués de façon assez simple. Je ne sais pas si vous avez pu le constater. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Et moi qui n'étais pas très porté sur les bandes dessinées, finalement j'ai pris grand plaisir. On vous voit même dans les dessins et vous êtes aux côtés de Brennus lorsqu'il hurle Vae Victis et vous dites ah ah, bien dit. Ça c'est le dessinateur. Donc comment ça s'est fait? Ben on a écrit le dessinateur et moi-même le scénario, on l'a adapté et ça s'est fait très très naturellement avec des libertés qui sont assez intéressantes puisque je fais parler effectivement des anciens, notamment Cicéron, Diviciac, l'Éduain, César lui-même, et ça permet d'affronter les points de vue et de voyager dans le temps de façon beaucoup plus dynamique que si on écrivait un long traité. Ah, je ne vous dis pas le contraire, il n'y a que Loi qui a l'air de se poser des questions avec un gros point d'interrogation, mais en même temps on ne peut pas trop demander aux oies du Capitole, non. N'est-ce pas? Alors, vous me voyez venir, interprétation, bande dessinée, etc. On entendait le générique d'Astérix à l'instant, nos auditeurs ne peuvent pas ne pas faire allusion aux irréductibles Gaulois d'Uderzo et Goscinny. Est-ce que l'image que nous avons tous maintenant des Gaulois n'a pas été très largement influencée par cette célébrissime bande dessinée Astérix? Bien sûr que si, Astérix. Absolument, absolument. Mais je ne pense pas qu'il faille s'en plaindre, il ne faut pas le regretter, parce que ça a permis une sorte de renaissance de la vision Gaulois, des Gaulois, oui. Du mythe gaulois, traité sur le ton de l'humour, quelque chose qui est très sympathique et très accessible pour tout le monde. Et moi qui jadis ai été instituteur, il y a eu une époque où pour parler des Gaulois, j'étais obligé de me servir d'Astérix en disant « bah c'est les gens qui vivaient au temps d'Astérix ». Je me rappelle une émission que nous avions faite ici avec Uderzo lui-même et avec Daniel Porte, où nous essayions de voir ce qu'il y avait d'authentique et de moins authentique dans Astérix, justement. Il y a une part incontestable d'histoire dans Astérix, et puis il y a bien sûr la part de toute l'historiographie, notamment du 19e siècle. Hein, oui, il y a beaucoup de choses qui sont effectivement tout à fait documentées. Ce qui est intéressant aussi, moi, ce qui me plaît beaucoup dans Astérix, c'est les noms gaulois. Donc, habituer le lecteur à tous ces noms, à sonorité gauloise, ça, je trouve ça très bien. Et puis, par exemple, le ciel qui tombe sur la tête, ça, ce sont des choses qui sont vraies, qui sont totalement documentées. C'est des croyances. Voilà, sur les croyances et les noms des dieux, etc. Alors, justement, essayons de comprendre qu'ils étaient ces Gaulois. On ne peut pas reprendre tout l'ouvrage, là, toute votre enquête gauloise. Résumons peut-être à quelques grands traits déjà. C'était une civilisation urbaine ou rurale ? C'est plutôt une civilisation rurale. Qui sont les Gaulois pour résumer les choses très simplement, ce sont les habitants de la Gaule. En sachant que la Gaule, ce n'est pas la France, c'est beaucoup plus grand, puisque ça va jusqu'au Rhin, ça va jusqu'à l'extrémité du plateau suisse. Et pendant peut-être 4 siècles, ça comprend également le nord de l'Italie. Donc, c'est les habitants d'un territoire qui s'est constitué lentement. Et surtout, c'est une civilisation qui s'est constituée véritablement en osmose avec le monde grec grâce à Marseille. Et sans Marseille, il n'y aurait pas de Gaule. Ça, c'est très important de le dire. Ça, il n'y aurait pas de Gaule du tout. C'est-à-dire que ce sont les Phocéens, les Massaliotes, qui ont, suscité le commerce. Et c'est eux qui ont fait des Gaulois des commerçants. Et c'est donc l'extension de ce marché des Celtes, puisque les gens des bords de la Méditerranée, c'était les Celtes, pour les Grecs, qui sont devenus ces habitants de la Gaule, qui ont travaillé en commun, parce qu'on ne fait pas du commerce comme ça. Simplement, il faut faire des routes, faire des accords. Ils ont essaimé, ils se sont développés vers le nord. Comment est-ce que ça s'est passé? Il y avait une population de substrat, par définition. Ah non, ils étaient déjà présents. Ce sont des populations bien sûr, qui sont présentes. Les Gaulois, enfin, dont une partie sont les Celtes, sont des héritiers des populations néolithiques, tout simplement. Voilà, des populations très variées. Il y a aussi des Étrusques, des Ibères, des Ligures, un petit peu mélangés. Et donc, ces gens-là, par la force des choses, sont devenus des commerçants parce que les Grecs ne s'aventuraient pas dans les terres. Et en plus, les Grecs ne parlaient pas les langues étrangères. Donc, ils ont tout de suite demandé à des Gaulois intelligents de faire le travail à leur place. Et donc, ils ont aussi suscité, par exemple, le druidisme. Les druides existent bien. Et les druides sont très influencés par les philosophies grecques parce que ce sont eux qui ont fait les traductions, qui ont fait les traités diplomatiques. Et donc, il y a tout de suite une version très politique de ce monde. Je sens que cette émission va être écoutée et réécoutée dans la région de Marseille. Nous allons avoir un certain succès du côté de Fossé. Ou de Massilia. Alors, vous avez prononcé le mot druide. Oui. Nous sommes là au cœur de tout le système de pensée, de croyance, de religion des Gaulois. Nous y venons, si vous le voulez bien, dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des Gaulois cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck Jean-Louis Bruno. Il est archéologue et directeur de recherche au CNRS et vous êtes nombreux à réagir sur Twitter et Facebook. Alors il y a Guillaume qui nous dit sur Twitter avec le hashtag ACDH que le terme gaulois est une invention romaine, qu'à la base il y avait 56 tribus qui s'appelaient les Senons, les Arvernes, les Andecaves, et qu'en fait c'est les Romains qui les ont appelés les Gaulois. Est-ce qu'on peut dire tout à fait ça? Non, on peut pas dire ça, non. Les Gaulois, effectivement, avaient tendance à se présenter du nom de leur peuple. C'est-à-dire que même à l'époque gallo-romaine, ils continueront sur les stèles funéraires, de leur nom régional, ils diront « je suis, par exemple, Sénon voilà. » sur la tombe. Mais d'une manière générale, ils se désignaient comme des Galatas. Eux, c'était leur nom, c'est leur nom propre. Et c'est ce mot de Galata qui était déformé par les Romains en Galie, probablement. C'est un jeu de mots un petit peu lourd de la part des Romains qui comparait les Gaulois au coq qui en latin se dit Gallus, tout simplement. On parle toujours des Gaulois et des Gauloises, bien entendu. Quelle est la place de la femme d'ailleurs? Alors, la place de la femme est très très importante pour différentes raisons. Ça, c'est pareil, on pourra en parler très longuement. Tout simplement parce que dans les familles nobles, les familles aristocratiques, les familles qui avaient des propriétés foncières, les hommes, comme les chevaliers du Moyen-Âge, étaient toujours partis à la guerre. Donc, ils ne pouvaient pas s'occuper de leur entreprise rurale, en quelque sorte. Et c'est donc les femmes qui devaient s'en occuper et qui progressivement, comme les femmes à la Première Guerre mondiale, etc., ont pris beaucoup d'importance dans l'économie domestique, ce qui leur a valu un statut particulier, c'est-à-dire qu'on a, grâce à César, le témoignage qu'il existait un contrat de mariage entre les époux, très intéressant, où l'homme devait apporter sa contre-dot à la dot de la femme, et il nous dit que les intérêts des deux capitaux étaient calculés et qu'à la mort de l'un des deux, le survivant récupérait la totalité. Et donc, il en dépossédait les héritiers. Donc là, c'est un droit qui vient en concurrence du futur droit romain qui s'imposera sur une grande partie du territoire. Tout à fait. Et donc, on voit bien que le statut de la femme en Gaule était supérieur à celui de la femme à Rome et surtout en Grèce, où la femme était vraiment dans le gynécée, toujours cloîtrée. C'est pas du tout le cas chez les femmes. Elles avaient aussi une activité politique un petit peu en retrait, mais une activité judiciaire aussi, très importante. Et donc, c'est très intéressant. Vous voyez, on a bien fait finalement de faire cette allusion. Nous devions parler des druides, c'est fondamental, ça, cette religion, si tentée au sens très large du mot, druidique. Vous me disiez pendant l'interruption que Winston Churchill, qui était notre personnage d'hier, le sujet de notre émission d'hier, a été druide, enfin néo-druide. Voilà, hein, il était néo-druide, oui, c'est tout à fait marrant. Il y a des photos de lui en druide, c'est absolument, ça? Absolument, absolument. Oui. Alors, effectivement, les druides sont très importants, et donc ils ont diffusé tout un ensemble de croyances qui marquent la civilisation gauloise, mais il est quand même important de dire quelques mots de ces ces druides, donc ce sont pas des personnages, des sorciers, etc. Ce sont des sages, tout simplement, des savants qui ne sont pas. C'est pas un cas isolé, c'est-à-dire que dans toutes les grandes civilisations méditerranéennes, au deuxième et début du premier millénaire, apparaissent des grands savants comme ça. Et les druides sont d'abord connus par les Grecs, les philosophes grecs, qui font l'histoire de la philosophie à partir de l'époque d'Aristote et qui essaient de savoir quels sont les grands sages. Et tout de suite, ils disent en Gaule, il y a les druides. Et pour les Grecs, les druides sont des sages, des savants. Mais vous dites méditerranéenne précisément. Quand on pense aux Gaulois, on pense à une civilisation qui vient s'opposer en quelque sorte au monde méditerranéen. Non, pas du tout. C'est justement ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que la Gaule s'est constituée en osmose avec Marseille, avec le monde grec, par le biais de Marseille, et effectivement la Gaule peut être considérée comme une civilisation méditerranéenne, et on le voit très bien notamment au niveau de la religion. Les façons d'honorer les dieux sont tout à fait similaires à celles des Grecs et des Romains. Mais alors c'est une religion qui est très proche de la nature, si je puis dire. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'animisme d'une certaine manière? Ah non. Ça l'a été peut-être au départ, mais justement les druides ont réformé tout ça, et des cultes qui étaient certainement des cultes animistes qui descendaient directement de la préhistoire, eux ont fait un culte d'État comme il existait à Rome, mais 3 siècles avant l'occupation romaine. Et donc on a des grands sanctuaires qui sont des sanctuaires d'État, et on a des sacrifices, des offrandes qui sont exactement du même type que celles qu'on voit en Grèce ou à Rome, c'est-à-dire ce sont des animaux domestiques et des offrandes d'armes, de choses précieuses. Et ces druides ont une dimension politique, ils interviennent dans le débat public, si je puis dire, et dans la prise de décision. Indirectement, oui. Surtout ils ont un très très grand rôle, c'est celui de s'occuper de la justice. Et là c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, et c'est ça qui avait marqué les humanistes de la Renaissance quand ils ont découvert les textes antiques. Ils se sont rendus compte qu'à l'époque gauloise, la justice était indépendante du pouvoir royal, et donc ils ont écrit tout un tas de traités pour montrer que le roi de France était très en retard finalement. Et ces Gaulois étaient très développés, très avancés, ils avaient inventé toutes sortes de choses. Oui, leurs inventions, leur mode de vie, nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, vous vous posez cette question: qui étaient vraiment les Gaulois? Cette question, vous la posez à votre invité depuis 14h, Jean-Louis Bruno. Il est archéologue et directeur de recherche au CNRS. Et l'archéologue Jean-Louis Bruno, avec le dessinateur Nico Bi, sont dans la collection Histoire dessinée de la France, les auteurs de l'enquête gauloise, coéditée par la revue Dessinée et La Découverte, avec comme sous-titre « De Massilia à Jules César, les choses sont bien claires ». Tout naît, nous dites-vous, de cette implantation grecque dans le sud de la France, et ça va jusqu'à la conquête romaine de Jules César, tout bien à entendu. Fait, tout à fait. Donc ça dure combien de temps, cette période qu'on pourrait définir clairement taxée de gauloise? Oh, un peu plus de 5 siècles. Depuis la fondation de Marseille jusqu'à la conquête romaine. Ils ressemblent à quoi physiquement, les Gaulois? Comment sont-ils habillés, les hommes, les femmes? L'habillement est très important. C'est justement l'une des grandes particularités de leur civilisation, c'est que ce sont des créateurs de mode. C'est-à-dire que les Gaulois ont inventé le pantalon, ça c'est connu, mais aussi toutes les formes de chemises. Les braies, comme on disait. Les braies, voilà. Toutes les chemises et les jupes avec des manches. Mm-hmm. Et surtout le motif écossais. Ah, les motifs écossais, tout à fait. Et voilà, c'est les tissus qui sont absolument extraordinaires, qui sont parfaitement adaptés aux saisons et aux intempéries. Des motifs qui sont extrêmement précieux avec des fils d'or, des fils d'argent et tout ça. Et effectivement, ce motif écossais, des teintures assez flamboyantes qui sont tissées de façon extrêmement savante. Et puis, pour montrer ce niveau incroyable de développement, beaucoup d'instruments, d'outils, etc., que ne possédaient même pas les Romains au départ. Les Gaulois ont diffusé autour d'eux, et notamment en Italie, tous les véhicules, tous les types de véhicules, donc les chars, charrettes, etc. Et ils les ont diffusés avec leur nom gaulois. Et donc, ce qu'on a longtemps cru être des noms latins, en fait, sont des noms d'origine gauloise. Donc, le carousse, le pétoritum, etc. Mais aussi les armes. Les armes des légionnaires, pour la plupart, sont des armes qui viennent des Gaulois, ne serait-ce que la tortue aussi. Le fait de se battre avec les boucliers de chaque côté, qui nous rappelle justement Astérix. C'est une invention gauloise. La boucle est bouclée, et nous revenons à Brennus et à ses guerriers. Ce sont de grands guerriers quand même, ces Gaulois. Ah oui, tout à fait. Oui, là, avec des particularités en fonction des tribus, des peuples. Oui, enfin, mais ça se voit plutôt à l'époque de César, puisque là, lui, il met l'accent sur cet aspect. Voilà, il emploie des gens en fonction de leur armement, etc. Mais sinon, ce sont surtout des grands cavaliers, donc ils ont un armement qui est parfaitement adapté à ce mode de combat. Et ce sont des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils vont sur tous les bords de la Méditerranée, jusqu'en Égypte, puisqu'ils ont laissé une inscription sur une pyramide en grec. Avec quelques fautes d'orthographe d'ailleurs. Par ailleurs, ils n'écrivent pas quand même, il faut bien préciser. Alors, ils n'écrivent pas parce que justement les druides leur interdisent, et ça c'est quelque chose qui rapproche les druides des pythagoriciens, c'est-à-dire des élèves de Pythagore, des disciples de Pythagore. On n'écrit pas pour ne pas divulguer le savoir qui est un formidable moyen de pouvoir. Et donc ça nécessite que les élèves, c'est ce qui fait aussi une des fonctions des druides, ce sont des pédagogues, doivent tout apprendre pendant plus de 20 ans. Et donc c'est un exercice colossal puisqu'on doit tout apprendre par cœur. Oui, et c'est donc un travail de mémoire colossal, et il faut arriver à transmettre des savoirs parfois très subtils, très ramifiés. C'est une obligation. Complexe. Oui. Et donc ça suppose donc de grands poèmes, des choses de ce genre. Ah, bien sûr, oui, c'est il y a tout un tas de processus mnémotechniques qui maintenant sont bien connus, et donc il y a nécessité pour les druides de passer leur savoir à leurs jeunes disciples, sinon c'est un savoir qui se perd. Merci beaucoup Jean-Louis Bruneau. Je rappelle que vous étiez l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les Celtes, histoire d'un mythe » édité chez Alpha, et puis donc cette enquête gauloise sous la forme d'une bande dessinée, étoffée, expliquée. On entre dans tous les arcanes d'une civilisation méconnue et injustement méconnue. Elle est un peu moins grâce à vous. Merci beaucoup. Merci. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et Lorena Martin est allée camper chez les Gaulois, chez les Celtes, si je puis dire. Hein. Vous êtes exactement. Allée dans votre hutte, en fait, c'est ça? Voilà, on est donc au Celtic Village. Vous avez l'air frigorifié aujourd'hui. Oui, un petit peu. On est au Celtic Village, à côté de Pont-l'Abbé, dans le Finistère. Et dans ce camping, il y a des chalets, des mobil-homes, il y a surtout deux huttes gauloises depuis 5 ans, puisque à terme, Franck Billien, le propriétaire, a le projet de construire un tout petit village gaulois avec deux autres huttes et une hutte centrale où les gens pourront se réunir pour des banquets. Et mais c'est lui qui a eu l'idée. Où exactement? C'est dans alors, le ça Finistère, au sud-ouest de Quimper. C'est pas très loin de chez Astérix, finalement. Non, exactement. Et c'est lui qui a eu l'idée de se lancer dans la construction de ce type d'habitat. Il les a lui-même conçus en faisant référence aux maisons des Gaulois. Il a effectué des recherches pour comprendre comment ils les construisaient à l'époque. Donc, ces huttes sont en bois. Le bois sert d'ossature. Il y a ajouté un enduit de chanvre et de chaux pour l'intérieur, et de la brande de bruyère pour le toit. Et chaque hutte mesure à peu près 30 mètres carrés. On peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et c'est une pièce unique, ronde. Ça fait comme un dortoir, alors, voilà, c'est ça ? Voilà, c'est un peu comme les yourtes des Moghols. Et en fait, il y a un coin cuisine, un coin séjour, un coin chambre. Il n'y a pas d'eau, mais de l'électricité. Et le mobilier aussi a été entièrement réalisé en bois. Et donc, on peut dire qu'il s'agit d'une plongée en culture en plein gauloise. Cœur, ouais. Et les huttes donnent même sur un petit étang où l'on peut pêcher. Donc c'est assez charmant. Et il y a aussi un autre domaine, toujours en Bretagne, proche de Dinan cette fois et de Saint-Malo. C'est un domaine en pleine nature. Il y a une hutte gauloise cette fois-ci. C'est une sorte de cabane en bois perchée à 6 mètres de hauteur sur des poteaux plantés dans le sol, avec une vue imprenable sur toute cette belle nature. Ce sont 40 mètres carrés habitables. Le toit est de chaume, il y a la fenêtre qui est en forme de triskel en hommage. Ah, faut expliquer ce que c'est que le triskel. C'est en hommage bien sûr à la Bretagne, c'est un symbole celtique à trois branches. Il y a plusieurs hypothèses concernant leurs interprétations. La plus courante serait que les trois branches représentent l'eau, la terre et le feu, et d'autres aussi diraient que c'est plus le ciel, la terre et l'eau. Et donc cette cabane est en hauteur, il y a aussi une terrasse de 20 mètres carrés équipée d'une douche. Ah, et d'un voilà jacuzzi privatif à 37 degrés en plein air. J'allais poser la question à l'instant, j'allais dire, mais c'est un peu modernisé, c'est même carrément c'est très modernisé. C'est beaucoup plus moderne que, oui. Merci beaucoup, Lorena Martin. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors depuis 14h nous sommes au cœur de l'histoire des Gaulois. Je pense que nous faisons un pic d'audience à Marseille parce qu'on a beaucoup parlé de Marseille. Et bien nous allons continuer à parler de Marseille dans ce retour aux origines, puisque nous revenons sur les origines du savon, Franck. Exactement. Alors est-ce que les Gaulois avaient du savon eux? Ah ben comment? Oui bien sûr. Vous savez, on fabrique en Europe le savon à partir de graisse animale et de cendres depuis très longtemps. Dans son Histoire naturelle en 77 de notre ère, Pline l'Ancien écrit: on se sert aussi de savon. C'est une invention des Gaulois pour rendre les cheveux blonds. On le fait de suif et de cendre de hêtre. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle qu'il sera utilisé véritablement pour se laver. Dites-vous que des savons, il en existe. On en a repéré jusqu'au IIIe et même au début du IIIe millénaire en Mésopotamie, dans tout le Moyen-Orient, en fait. Et parmi les savons les plus célèbres, il y a le fameux savon d'Alep. Savon d'Alep, bien sûr, qui a été rapporté par les croisés, hein, et qui va être développé en Europe à partir du XIIe siècle. Il y a des savonneries qu'on voit se créer un peu partout, en Italie, en Espagne, en France. Le problème du savon, c'est que ça va avec l'eau et que vous savez qu'on va passer très vite à la toilette sèche pour des raisons d'épidémie, de santé, etc. Le bain, hors l'usage de la médecine, en une pressante nécessité, non seulement superflu, mais très dommageable aux hommes, disait l'inventeur de la presse, Théophraste Renaudot. C'est à partir du règne de Louis XIV qu'on revient progressivement à l'eau. On y reviendra beaucoup quand même au XVIIIe siècle. Et après, le savon devient une véritable industrie. Oui, on peut dire que le savon est fabriqué un petit peu partout. 8 savonneries à Marseille en 1600, vous imaginez. 20 en 1650, 48 en 1786, 62 savonneries à Marseille en 1813. Si le savon aujourd'hui est assez bon marché, c'est grâce à Nicolas Leblanc qui en 1787 a découvert le procédé de fabrication du carbonate de sodium à partir d'eau de mer, ce qui permet une obtention beaucoup plus facile des différents ingrédients nécessaires à sa fabrication. On a dit à peu près tout ce qu'il fallait, en n'oubliant pas quand même qu'il s'agit, si j'en crois Pline l'Ancien, d'une invention gauloise. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Oui, demain, vous nous parlerez de trois sœurs romancières, Charlotte, Émilie et Anne. Qui étaient les sœurs Brontë ? Réponse demain à 14h.